boucle le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Et oui, mesdames et messieurs, votre émission d'intérêt ludique est de retour en cette maussade journée du mois d'août. On se croirait en automne, mais bon. Gardons le moral, mesdames et messieurs, parce qu'à Puissance maximale, on est toujours heureux parce qu'on parle jeu. Bien évidemment, on vous rappelle rapidement que Puissance maximale il y a un site internet, le www.puissancemaximale.com, où vous pouvez écouter toutes nos anciennes émissions, podcasts et autres entrevues qu'il y a sur le site, bien évidemment. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Donc, Facebook, vous connaissez, mais vous tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche en haut et vous allez nous trouver très facilement. Allez appuyer sur le bouton j'aime parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs, mais aussi parce que grâce à ça, vous avez les exclusivités de l'émission le plus rapidement possible dans... sur votre page Facebook et comme ça vous allez pouvoir être au courant avant tout le monde de quoi on va parler aujourd'hui. Et mon nom à moi, je vous le rappelle, est Michael Michaud, votre animateur, et mon collaborateur de toujours, monsieur Andrew Castegan, va nous rejoindre un peu plus tard dans l'émission. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, une autre grosse émission, on va essentiellement vous parler de nouvelles ludiques. Entre autres, on va vous parler de Grand Theft Auto 5, encore une fois, parce que c'est un jeu, ma foi, très attendu. Et aujourd'hui, il y a comme une petite bande-annonce qui est passée sur les internets pour nous montrer Grand Theft Auto Online, donc les possibilités qu'il va y avoir pour ce jeu. Écoutez, je pourrais pas dire que ce sera révolutionnaire, mais mettons que ça va être un grand pas en avant dans le monde du jeu vidéo. Ça, je peux vous le garantir. Et j'ai jamais vu... C'est rare que je vois les gens aussi unanimes par rapport à un jeu sur Internet. Et là... Le mois de septembre va être glorieux pour Rockstar si ils nous servent ce qu'ils nous promettent dans leur trailer d'aujourd'hui et d'avance là, bien évidemment. Et comme à notre habitude, mesdames et messieurs, on va évidemment, encore une fois, commencer en musique. Et cette fois, nous commencerons en musique avec Monsieur Brental Floss, que Andrew justement a eu la chance d'interviewer il y a quelques semaines de cela à Con Bravo. Donc, on vous envoie sa chanson DuckTales with Lyrics. Et vous entendez ça à Puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Mission Control. We are go for liftoff in T-minus 20 seconds and counting. Wait a minute, Houston. There seems to be a duck on board. A what? I repeat, a duck in a top hat. Roger that. Ducks! Yes, ducks in outer space from the Disney. Treasure you've got to see. and then from Africa to Asia, too cold Antarctica. I always thought that that's too far away in wintertime, but you took it way too far to go, way too far to go. Hey, Uncle Scrooge, won't you take me along? You're an incompoop, but it's such a great song. Though you're a bird, you're no wise old owl. Houston, we have a problem. Our shuttle captain's a raving waterfowl. Oh my God, he is a crazy duck in space. Do your nephews miss you? Please go back. Keep on finding gold and jewels to say off the quack, off the quack. Everybody, this is Brenel Floss. You're listening to Puissance Maximale. Key change, mofo! Et oui, de retour à Puissance Maximale après cette excellente chanson, justement, de Brenel Floss que vous venez d'entendre en dédicace pour Puissance Maximale. Et oui, on va, comme j'ai dit plus tôt dans l'émission, on va commencer en mode nouvelle aujourd'hui et on va tout de suite commencer, en fait, avec un petit blitz du côté de la Xbox One. En fait, selon le site, le très sérieux site jeuxvideo.com, il y aurait la Xbox One serait reportée en 2014 pour 8 pays. En fait, il y avait une rumeur un peu plus tôt cette semaine disant que peut-être que la console serait tout simplement retardée en 2014 pour tout le monde, mais finalement, selon le site, on nous présente, en fait, Microsoft aurait jugé bon, finalement, de communiquer pour finalement confirmer que certains craignaient le report de la Xbox One dans 8 pays. Donc, là, évidemment, le site est basé en France, donc on nous dit que la France est épargnée, mais la mauvaise nouvelle irait, en fait, du côté de Danemark, la Finlande, des Pays-Bas, la Norvège, la Russie et la Suède. Donc, au plus tôt possible en 2014, que Microsoft nous dise dans cette annonce. Ce qu'on nous dit finalement, ce qui justifie ça, c'est que il promet de livrer la console en novembre dans les autres pays, donc ce qui comprend évidemment le Canada. Ce qui donne, en fait, je cite ici là, la raison qui avait été donnée par Microsoft, c'est bien que nous aurions pu lancer la Xbox One simultanément sur tous ces marchés. Il y a beaucoup de facteurs qui déterminent le timing du lancement dans certains marchés bien spécifiques. Cela inclut le travail de localisation dans le menu Xbox One, d'intégrer la voix et d'autres langues et de construire des partenariats pour apporter des applications et du contenu local significatif pour chaque pays. Donc, ceux qui ont des... Microsoft disent que finalement ceux qui ont déjà précommandé leur console dans ces pays-là ils doivent recontacter leur revendeur pour toute question complémentaire parce que c'est pas mal le seul commentaire qui avait été donné par Microsoft. Et en guise de dédommagement, le constructeur offrira un pack in-game au lancement de la console. On sait pas encore ce que ça va être, mais bref, Microsoft s'excuse un peu de cette façon-là. C'est sûr qu'il faut prendre en compte qu'effectivement, là, on offre toujours la console, pas toujours en anglais. En fait, habituellement en anglais et aussi dans la langue où est-ce qu'on vend la console. Donc, des fois, ça peut être plus problématique que pour certains constructeurs. Et là, c'est ce que Microsoft nous démontre avec cette nouvelle. Autre nouvelle par rapport à Xbox One qui est sortie cette semaine, en fait, c'est que la Kinect, finalement, ne serait plus obligatoire pour l'utilisation de la Xbox One. On se rappelle qu'au E3, dans les annonces qu'ils avaient eues, de toute façon, la Kinect allait venir avec la Xbox One et qu'elle serait continuellement allumée et que là, il y a plusieurs personnes à ce moment-là qui avaient parlé de possibilités d'intrusion dans la vie privée. Et finalement, une annonce est sortie cette semaine. Il nous dit, nous précise que la Kinect sera entièrement désactivable sur Xbox One. Donc, voilà. Bien accueilli par beaucoup de gens. Ils ont même fait sur le site dont je tire la nouvelle un petit sondage pour savoir ce que les gens en pensaient. Il faut dire que là, Xbox, il y a des commentaires entre autres là, qui disent que il y en a qui en ont assez des revirements de situation provenant de Microsoft, parce que c'est sûr que depuis le E3, depuis que Sony, eux, sont allés à l'encontre des rumeurs de ce qui avait été prévu par les experts, disant qu'ils auraient une console très contrôlante côté contenu et tout, mais là finalement, finalement après que Xbox a annoncé tout leur truc, Sony est arrivé eux par en arrière en disant « Eh non, nous n'aurons pas besoin d'enregistrer tous les jeux, vous pourrez prêter vos jeux entre amis et tous les problèmes, c'était réglé comme ça ». Puis là, depuis ce temps-là, et malgré une bourde en fait, du représentant marketing de Microsoft qui avait dit au E3, ben écoutez, si vous n'avez pas une bonne connexion Internet et que ça vous intéresse pas d'avoir une console qui est continuellement connectée à Internet, ben restez avec votre Xbox 360. Disons que juste côté marketing, c'est assez mauvais comme Carl, on va dire. Mais en plus, c'est un manque de respect total envers les consommateurs. Donc, il était revenu là-dessus. Puis finalement, là, quelques semaines après, ben, ils sont revenus là-dessus également sur le fait des jeux contrôlés, de la connectivité obligatoire et tout. Donc, un autre revers finalement du côté de Microsoft pour la Kinect qui ne sera plus obligatoire. Ce qui est selon moi une bonne chose, effectivement. Trop d'accessoires obligatoires. Mais il faut dire qu'en même temps, est fourni avec la console, c'est pas trop chiant. On n'est pas obligé d'aller en magasin, racheter ça en plus après pour pouvoir jouer. Mais quand même, un appareil vidéo de captation, entre autres, là, qui peut fonctionner à tout moment, ça peut être pas dangereux. Mais disons que c'est un peu inquiétant d'entendre ça. Et surtout pour. Présentement, je pense à notre collègue Pierre-Luc Pelletier, notre expert en sécurité informatique qui s'occupe de ça ici à l'émission. C'est sûr et certain qu'en entendant ça, il doit être content, malgré que je sais pertinemment que je pense pas qu'il se procure une Xbox One, mais quand même, c'est une bonne nouvelle pour la vie privée des gens. Autre nouvelle pour la Xbox One, en fait, c'est une double nouvelle Xbox One, Xbox 360. On nous parle de sauvegarde compatible pour Call of Duty Ghosts. Donc, il y a eu une conférence de la part d'Activision parlant du first person shooter Call of Duty Ghost, et on nous dit que ça va être compatible. En fait, vos sauvegardes 360 seront compatibles avec la Xbox One. Donc, vous pourrez commencer le jeu sur la 360 et continuer plus tard sur la Xbox One. Donc, ça, c'est, on est bien heureux pour ça. Par contre, il n'y a pas eu de nouvelles pour la PS3, PS4, parce que ce jeu pourra se chevaucher, c'est ça, sur les consoles. Et c'est sûr que pour les jeunes de PlayStation, aimeraient avoir aussi la même opportunité. Mais pas de nouvelles à ce niveau-là encore de la part d'Activision. Espérons aussi que Call of Duty Ghost fasse un peu changement des autres titres. Mais ça, c'est un souhait qu'on a à chaque fois qu'il y a un nouveau titre de cette franchise qui sort. Mais bon. On va continuer à prier pour ceux qui sont croyants et seulement à espérer pour les autres, pour la franchise Call of Duty. Et on va continuer en musique, mesdames et messieurs, après cette première série de nouvelles. Et on va y aller avec une chanson qui s'appelle Punch Out 8 Bits. C'est un groupe, là j'ai pas le nom du groupe là, qui m'apparaît présentement. Je vais chercher ça pendant que ça joue. C'est un groupe qui fait des reprises de jeux vidéo, mais habituellement on est... À la puissance maximale, on est friand de reprises métal de ce genre de chansons-là. Mais là, ça fait changement un peu. Vous allez avoir quelque chose de plus rap, de plus hip-hop dans vos oreilles. Et vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Hey everybody, this is Brennel Floss. You're listening to Puissance Maximale. I'm like my wife. The name's Mike Tyson, and I'm the king of the ring. I got my suit, tie, tie, my red gloves, and I'm bringing the thing. I'm only 17, but I'm from Brooklyn, nice to meet ya. This town is not for me, the Ninja Turtles and pizza. Discombobulating, we devastating, fuck with me. My defense is impregnable, you got nothing coming. Bitch, please. Je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale. Mon petit bébé d'amour. Oh oui, de retour à Puissance Maximale après cette chanson nommée Punch Out 8 Bits. Et là, j'étais complètement pris dans une autre recherche, donc j'ai pas le nom du groupe. Mais vous retrouverez ça bien évidemment au www.puissancemaximale.com lors de la mise en onde de cette émission. Et on va continuer, en fait, avant de continuer en nouvelle ludique, j'ai eu envie de vous faire de petites suggestions au niveau des séries télévisées. Parce qu'on parle souvent, en fait, il y a deux semaines, j'ai parlé d'un GN Sirens à Saint-Apollinaire. Je suis friand de GN, de jeux de rôle et tout et tout. Et souvent, ben, on cherche évidemment nos références dans plusieurs séries et autres œuvres de fiction. Et moi, il y a deux séries récemment que j'ai écoutées. Là, vous allez me dire que je suis en retard pour une de ces séries-là, mais soit, je vais quand même vous en parler. En fait, je vais vous parler de deux séries très rapidement. Je vais vous parler de la série Rome et de la série Vikings. Et oui, donc, étant amateur d'histoire, ayant étudié en littérature ancienne, surtout dans le domaine de la Grèce ancienne, la Grèce antique, et ben en fait, j'aime beaucoup tout ce genre de séries-là, évidemment, les peuples américain, gros film épique, j'en suis friand, bien évidemment. Et dans ces séries-là peuvent jouer un peu dans ces plates-bandes-là. Au niveau de Rome, c'est une série qui date quand même un peu, mais pour tout ce qui est, si vous êtes amateur de l'histoire romaine, c'est sûr, dans les séries du genre, faut toujours faire attention, c'est jamais 100% disons 100% historique, évidemment d'inspiration. Et si on veut faire vivre une série assez longtemps, faut bien évidemment avoir autre chose que seulement les faits historiques. Donc Rome débute en fait à la conquête de la Gaule par Jules César, accompagné de Marc-Antoine, en fait. Et la série débute comme ça, et à son retour à Rome avec son armée, où, disons, plusieurs sénateurs le verront comme tyran. Et se suivra cette série-là jusqu'à, finalement, le couronnement, jusqu'au triomphe d'Octave Auguste, le premier empereur romain, qui va venir après l'assassinat de Jules César. Donc, je m'excuse pas pour ceux qui ne savaient pas que Jules César mourait assassiné, mais vous le verrez dans la série. Écoutez, c'est une série qui date de 2005-2007, mais avec une belle facture, des beaux décors, des beaux costumes. Moi, je le dis souvent quand je parle de série, faut que ça soit beau pour que j'embarque, surtout dans le côté historique de la chose. Donc, pour les friands d'histoire, d'action aussi, il y a quand même des belles scènes de combat, de politique aussi. C'est une série politique, autant au niveau de la politique carrément romaine que des... on présente la politique de couloir et aussi entre les familles rivales dans la ville. Donc, évidemment, pour les amateurs, c'est un must à voir. C'est sûr que si vous vous attardez trop aux faits historiques, comme dans toutes les bonnes séries, des fois, vous pouvez être déçu, mais quand même, c'est une série de deux saisons avec des épisodes de 50 minutes par épisode. Je pense qu'il y a environ une dizaine, 9 ou 10 épisodes par saison. Et voilà, vous avez quand même quelques heures devant vous, et vous pouvez trouver ça chez votre vendeur de DVD Blu-ray, bien évidemment, Je vous conseille ça fortement. Et pour l'autre série, rapidement, la série Vikings. Donc, on nous raconte l'histoire de Ragnar Lothbrok, qui est une figure mythique, en fait, du monde viking scandinave, qui sera, en tout cas, dans la mythologie, devient roi. Et sera, si vous lisez un peu sur les internets, vous pourrez voir que ce personnage finit par se rendre en Angleterre à, je me rappelle pas exactement à quelle époque, si je me rappelle bien, c'est au 9e siècle. Et se rend en Angleterre où il fera évidemment des raids comme on connaît les Vikings. Donc, ils font des raids, ils découvrent ce petit coin de pays et se fera un ennemi d'un roi local. Donc, la série, en tout cas, il y a seulement une saison de sortie, mais écoutez, contrairement à bien des séries qui ont des contextes historiques, disons, moi je pense à une série qui s'appelle Spartacus, qui est sur les gladiateurs, sur le personnage mythique qui est Spartacus, sur les gladiateurs et après ça, plus tard, sur sa rébellion. Disons que c'est une série beaucoup plus axée sur la violence, pas mal plus sur la violence que sur l'histoire et sur, disons, les scènes très adultes. Donc ça se compare pas du tout. Vikings, ce qui est intéressant, c'est effectivement, il y a des scènes crues parce que il faut quand même dépeindre le contexte de l'époque, mais disons que c'est pas utilisé à outrance comme dans Spartacus. C'est pas la série se base pas là-dessus, loin de là. Et on a un très bon jeu d'acteurs, de l'action vraiment. Comment je pourrais dire ça? C'est bien utilisé. C'est de l'action palpitante. On embarque là-dedans. C'est pas surutilisé et c'est surtout crédible. Donc c'est ce qui est pas le cas du tout de la série Spartacus. Donc pour les amateurs justement de Vikings, d'histoire scandinave, ce qui veulent en connaître plus parce qu'on parle quand même des mœurs de l'époque, comme dans Rome aussi, ben c'est sûr, comme je le répète à peu près à toutes les deux phrases depuis le début de cette chronique, faut pas prendre ça pour du cash, faut vraiment pas penser que ça représente à 100% ce qui se passait à l'époque, mais ça donne quand même une bonne idée. Donc on suit Ragnar Lothbrok et entre autres sa femme Lagertha, son premier fils Bjorn, sa fille Gyda et plein d'autres personnages, dont son frère Rollo, qu'on va suivre à travers différentes péripéties, entre autres la découverte naviguer vers l'ouest, donc la découverte de l'Angleterre, des coutumes étranges des Anglais de l'époque par rapport aux Vikings. Il y a encore de la politique, bien évidemment, parce que c'est pas parce qu'on est Viking qu'on est des barbares sauvages. Il y a quand même de la politique et une façon de fonctionner. Donc il y a ça aussi qui est très intéressant. Gabriel Byrne qui joue un Jarl dans la série, très très bon aussi au niveau de ce personnage-là. Donc deux bonnes séries. Je voulais vous en parler rapidement comme ça parce que souvent justement on a des amateurs de Donjons Dragons, de jeux fantasy médiéval qui se passent des fois dans d'autres contextes historiques. Ben c'est une disons que ça peut vous donner des idées pour vos prochains GN, prochains costumes aussi. Parce que les costumes sont justement très recherchés, ça vaut la peine comme exemple matériel d'aller voir ces séries-là, mais aussi au niveau de la fiction et du divertissement, ben vous allez être servi pour les amateurs de ce genre de série, donc la série Viking qui est elle sur la chaîne History, que vous pouvez c'est en DVD, donc vous pouvez aller vérifier ça. A été diffusé sur la chaîne History et Rome, ben vous allez trouver ça déjà en format DVD. On va aller tout de suite en musique avant de reparler nouvelle ludique. Cette fois-ci, on va y aller avec une chanson du Nahul Band qui s'appelle Un boulet dans le groupe. Et vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Dans cette auberge où l'on s'est rencontrés, 5-6 soldats, j'ai bousculé. Dans cette auberge où l'on s'est rencontrés, 5-6 soldats, j'ai bousculé. Y'en a bien 4 qui voulaient me frapper, c'est mon chat noir qu'ils ont piétiné. Y'en a bien 4 qui voulaient me frapper, c'est mon chat noir qu'ils ont piétiné. Si j'avais su ce sortilège, jamais ça ne serait arrivé. Si j'avais su ce sortilège, malheureusement je l'avais oublié. Mais ce sortilège que j'avais oublié, arrivé à la porte du donjon, j'ai voulu tenter de l'accrocher. Arrivé à la porte du donjon, j'ai voulu tenter de l'accrocher. C'est là qu'un piège s'est déclenché, c'est le voleur qui a été tué. C'est là qu'un piège s'est déclenché, c'est le voleur qui a été tué. Si j'avais eu mon parchemin, j'aurais bien pu le détecter. Si j'avais eu mon parchemin, mais il est couvert partout de taches de vin. Et ce parchemin couvert de sortilège que j'avais oublié. Dans le premier couloir on avançait, un troupeau d'or qui est arrivé. Dans le premier couloir on avançait, un troupeau d'or qui est arrivé. Une boule de feu j'aurais lancé, mais c'est le nain qui se l'est ramassé. Une boule de feu j'aurais lancé, mais c'est le nain qui se l'est ramassé. Si j'avais eu ce vieux grimoire, j'aurais sans doute mieux visé. Si j'avais eu ce vieux grimoire, celui que j'ai paumé avant-hier au soir. Et ce vieux grimoire égaré l'autre soir, et ce parchemin couvert de taches de vin. Mais ce sortilège que j'avais oublié, c'est dans les caves qu'on s'est échappé, on pensait être en sécurité. C'est dans les caves qu'on s'est échappé, on pensait être en sécurité. C'est sur un troll qu'on est tombé, c'est bien sûr l'être qui s'est effecté. Sur un troll qu'on est tombé, c'est bien sûr l'être qui s'est effecté. Si j'avais saisi ma baguette, elle aurait pu le pétrifier. Si j'avais saisi ma baguette, je ne l'ai pas fait car elle était en miettes. Et cette baguette qui était en miettes, et ce vieux grimoire égaré l'autre soir, et ce parchemin couvert de taches de vin, mais ce sortilège que j'avais oublié. Dans les catacombes on était planqués, une énorme cloche effleurée. Dans les catacombes on était planqués, une énorme cloche effleurée. Le dragon que j'ai réveillé fit du guerrier son petit déjeuner. Le dragon que j'ai réveillé fit du guerrier son petit déjeuner. Si j'avais eu l'anneau unique, ce dragon je l'aurais bousillé. Si j'avais eu l'anneau unique qui m'a été volé un jour par un hobbit. Et l'anneau unique volé par un hobbit, et cette baguette qui était en miettes, et ce vieux grimoire égaré l'autre soir, et ce parchemin couvert de taches de vin, et ce sortilège que j'avais oublié. Ich bin Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après la chanson Un boulet dans le groupe du Null Band. Et de retour après cette excellente chanson, nous allons continuer en nouvelle ludique. Une grosse nouvelle, écoutez, vous êtes au courant, on en parle souvent à l'émission, du Humble Bundle. Ce principe, en fait, que c'est une compagnie, je pense que c'est Humble Inc. le nom. Bref, c'est une organisation qui ramasse des jeux en fait en bundle, donc en paquet. En paquet et qui vend ça à un prix quand même assez modique. Et tout ça, on vend ça pour, entre autres, là, des œuvres de bienfaisance. Et là, habituellement, c'est beaucoup axé sur les jeux indie, donc on peut trouver des excellents jeux pour pas cher. Mais là, comme c'est arrivé une fois avec THQ, Humble Bundle, il va de jeux plus connus, en fait, avec le Humble Origin Bundle. Donc, on y va avec des jeux quand même de franchises très connues. Je vais vous nommer les jeux rapidement. Donc, de base, en fait, le principe, c'est que vous payez ce que vous voulez. Donc, pour le prix que vous voulez. Vous pouvez, et là, quand je parle du prix que vous voulez, ça peut être quand même très, très bas. Vous pouvez, en fait, vous procurer les jeux suivants. Les jeux suivants qui sont Dead Space, Dead Space 3, Burnout Paradise The Ultimate Box, Crysis 2 Maximum Edition, Mirror's Edge et Medal of Honor. Quand même! Donc, 6 titres que vous pouvez vous acheter pour la modique somme de 2 pièces, ça vous tente. Mais si vous décidez de payer plus cher que la moyenne des gens, ben vous allez débloquer 2 autres titres et non pas les moindres. Battlefield 3, oui, vous avez bien entendu, et les Sims 3, qui est quand même une franchise très connue et très appréciée par plusieurs personnes. Donc, si vous payez, et le montant moyen, et vous allez voir, c'est pas très haut, que les gens payent est 4,77$. Donc, disons que vous décidez de payer 5$, vous allez avoir 8 jeux. Ces 8 jeux-là, vous allez les avoir pour vous. Donc, je répète, Dead Space, Dead Space 3, Burnout Paradise, The Ultimate Box, Crysis 2, Maximum Edition, Mirror's Edge, Medal of Honor, Battlefield 3 et The Sims 3 avec un starter pack qui comprend 2 DLC. Donc, disons que vous avez un ami gamer et que vous voulez lui faire un cadeau, ben pourquoi ne pas aller vous acheter Humble Bundle Origin et comme ça faire des heureux. Et même, vous n'êtes pas obligé de tout lui donner, vous pouvez en garder quelques-uns pour vous de ces jeux-là. Donc, une autre belle nouvelle du côté de Humble Bundle, ça vaut la peine d'aller voir ça. Vous allez sur le humblebundle.com, vous tapez ça sur Google ou tout simplement dans votre barre URL et vous allez tomber direct dessus. Il ne vous reste que 12 jours, 19h, 29 minutes et 2 secondes, 1 seconde, 0 seconde pour vous procurer ce paquet de jeux qui est quand même Très intéressant et surtout pour un prix aussi ridicule que 5$, entre autres. Mais vous pouvez payer plus cher, bien évidemment. Et là, ce qui est le fun avec le site, c'est que vous avez les statistiques de vente. Donc, ceux qui payent le plus cher, vous avez les noms, en fait, des gens qui payent très cher. Donc, pour dire, regardez, il y en a qui payent 2000$. Donc, US Navy Sailor, donc qui doit être un pseudonyme, a payé 2000$ pour ce bundle-là. Mais quand même, le coût moyen, là, les gens payent 5$ pour avoir tout ça. Et présentement, ils ont vendu pour environ 4 500 000 $ de ce bundle-là, qui représente à peu près 937 000 ventes. Donc voilà, rendez-vous. Puis ce qui est en plus le fun, on le répète souvent à l'émission, mais ça vaut la peine de le dire, c'est que vous choisissez vous-même quelle portion de votre montant s'en va à quelle charité. Comme là, il y a 5 œuvres de charité qui vont recevoir cet argent-là, mais vous allez choisir par proportion, vous pouvez le faire. Et aussi, combien de l'argent va à Humble Bundle, donc à l'organisation de ces ventes-là, pour qu'ils puissent continuer à entretenir le site et à faire les ventes. Donc, vous pouvez aller vous chercher ça sur le humblebundle.com. Autre nouvelle, écoutez, le jeu Payday 2 est sorti cette semaine et vous vous rappelez, on en a parlé même la semaine dernière, Payday 2, qui est la suite de Payday the Heist, donc un jeu de cambriolage, donc tir à la première personne, qui est quand même assez difficile, il faut être très stratégique, il faut prendre son temps, il faut bien penser à notre affaire. Là, il est sorti, on vous avait déjà dit que déjà avec les préventes, le jeu était rentable. Il est très, très, très apprécié, ce jeu-là, des consommateurs. Et là, on parlait déjà, ils vont proposer plusieurs DLC pendant toute l'année. Ça a été dit, ça, dans le magazine officiel Xbox 360 par l'un des développeurs. Et on parle aussi, ça, c'est une petite nouvelle quand même assez, assez rapide, là. On parle d'un personnage féminin qui pourrait arriver durant l'année. Évidemment, c'est pas pour tout de suite parce qu'il faut quand même qu'ils fassent la révision, des mouvements et tout. On veut que ça soit réaliste. Donc, ils vont réviser l'animation du personnage, mais on parle d'un personnage féminin qui pourrait s'en venir pour Payday 2 plus tard dans l'année. Et là, je voudrais vous parler rapidement, parce que moi, j'ai vu deux vidéos quand même très intéressantes, en fait trois cette semaine, sur des séries que j'aime bien, donc Grand Theft Auto, ça on va en parler un peu plus tard, Witcher 3, et celui que je vais vous parler tout de suite, c'est un petit vidéo gameplay d'Assassin's Creed 4 Black Flag, où on nous montre un peu certaines modifications. Écoutez, pour le moment, beau visuel, ça reste que ça fait... Moi, je l'ai déjà dit quand j'ai parlé d'Assassin's Creed 3, je trouvais que là, on était rendu... On disait que j'avais comme l'impression qu'on était rendu au bout du rouleau, au bout du souffle de cette série-là. Parce que, sans farce, je pense que c'est un des pires côtés graphiques. Il est très laid, plein de bugs. J'ai vraiment pas embarqué dans l'histoire de Connor. Et là, on nous présente, dans le 4, je pense que c'est un ascendant de Connor, un personnage qui est un pirate et qui va aller... en tout cas, qui va avoir plein de missions, entre autres les bateaux, parce que ça avait été un point fort quand même d'Assassin's Creed 3, les fameux combats maritimes, qui c'était vraiment, vraiment très intéressant. J'ai juste peur qu'on en fasse un jeu complet avec ça, mais je penserais pas, ça n'a pas l'air d'être ça quand on regarde les vidéos qui sont présentées sur le prochain titre. Mais quand même, là, on nous montrait dans le gameplay qui a été sorti cette semaine un côté, justement, le côté furtif, quelques petites modifications, rien de vraiment... En tout cas, moi, je trouve que c'est pas vraiment... c'est pas une révolution non plus dans la franchise. Utilisation d'une sarbacane, un peu pour changer du lance d'art qu'on avait dans notre bracelet d'assassin dans les autres versions. Ça va remplacer ça. Et tu vas pouvoir porter 4 armes à feu sur toi. Donc, modification des armes, on parle, c'est ça, de modification, de personnalisation des équipements du personnage. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler dans le concret, parce que là, dans la vidéo, on nous montre ça très rapidement, là, un menu déroulant, on voit pas vraiment ce qu'on peut faire, mais on nous parle de personnalisation, de modification des armes et des équipements. Donc, on peut avoir des fusils très performants, puis là, plusieurs tirs. Et là, les tirs qu'on a vus, justement, en utilisant les 4 pistolets que le personnage portait, c'est en cinématique. On dit gameplay, mais disons que de mon côté, Ça va l'air. Je sais pas si ça va être incorporé. On a quatre fusils. Voulez-vous que parce qu'on sait que déjà quand on faisait de la parade, quand on faisait de la parade dans Assassin's Creed, ben disons qu'il y en avait deux en même temps. Ben, il y avait une petite cinématique. On allait tuer les deux personnages qui allaient. Bref, quand il y avait deux personnages, là je sais pas s'il y a quatre ou à trois avec nos pistolets, ça va être une cinématique comme ça. Si c'est rendu, ça va être rendu comme ça dans le jeu ou pour le game, pour le trailer, ils nous ont juste mis un petit cinématique bien cute là pour nous. Pour nous appâter, mais c'est quand même impressionnant, c'est quand même beau. J'ai hâte de voir quand, surtout sur la prochaine génération, parce que je trouve en tout cas que la série Assassin's Creed côté graphique, côté texture, là, c'est pas très léché. Ça pourrait l'être beaucoup plus, ça pourrait rendre le jeu beaucoup plus intéressant, je pense, plus immersif, parce que quand on arrive près de murs ou choses du genre, on est vraiment, je trouve qu'on arrive dans des textures qui sont pas assez travaillées, puis moi je décroche. Le troisième, entre autres, m'a fait décrocher à cause de ça. Donc, écoutez, un trailer quand même intéressant du côté d'Assassin's Creed 4, mais à date, rien de révolutionnaire là au niveau de la franchise. Ce sera surveillé quand même, parce que c'est quand même des bons jeux, même si le 3 a été décevant, on va surveiller ça, parce qu'il va y avoir des bateaux, des pirates, donc c'est sûr que ça va être épique. si on se fie au fait que les pirates, c'est toujours épique, peu importe la situation. On va continuer en musique, mesdames et messieurs, après ces courtes nouvelles. On va y aller avec une reprise du groupe Amon Amarth, groupe de death metal scandinave, parlant de vikings, justement, tantôt. Une reprise d'une chanson du groupe System of a Down, la chanson Ariels. Oui, vous avez bien entendu, version Amon Amarth. Vous allez entendre ça sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Et c'est toujours à l'émission Puissance Maximale. Fall. Bonjour, c'est Esteban des Cités d'Or. Vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après Amanda Mart et Harry Halls. Et M. Andrew Castegan est avec nous. Bonjour, Andrew. J'ai affronté mer et marée, apprécié ma présence pour les 20 minutes qui restent. Et là, Andrew, grâce à ton... à ta sagesse légendaire, on va pouvoir parler enfin de Grand Theft Auto 5. Il y a le trailer qui est sorti, je ne sais pas si tu as eu le temps de le voir. Je l'ai regardé rapidement parce que dans le fond, je voulais l'écouter sur mon heure de dîner parce qu'il sortait à 10h aujourd'hui le vidéo. Et j'ai oublié comme un champion mes écouteurs à mon bureau. Fait que plus que j'étais dans le café de l'école, pas de l'école, de la job, ben j'entendais pas bien qu'est-ce qu'il disait. Fait que j'ai comme coupé coin rond, puis je me suis collé le téléphone à l'oreille. Fait que j'ai écouté qu'est-ce qu'il disait, j'ai reculé pour voir le vidéo puis tout. Mais grâce à la magie de l'internet, on peut avoir les détails. Imagine-toi donc. Fait que c'est merveilleux. Mais faut dire que côté vidéo là, c'est pas plus impressionnant ce qu'on a déjà vu là lors du dernier. La dernière bande-annonce qui a été montrée, c'est juste que il va y avoir des possibilités vraiment intéressantes dans le multijoueur. Puis moi, ce que j'ai remarqué en fait, c'est que lors de la bande-annonce, c'est pas marqué Grand Theft Auto 5, c'est marqué Grand Theft Auto Online. Oui. C'est que je sais pas. En tout cas, ça va être évidemment là, à l'achat de votre Grand Theft Auto 5, mais ça va offrir quand même beaucoup de possibilités. Puis là, ce qu'on parlait un peu là. Les mini-games, là, qu'on va pouvoir jouer au golf, faire du saut en parachute, vous allez pouvoir faire ça en gang, en fait, pendant votre expérience en ligne. Jusqu'à 16 joueurs, ouais. Simultanément. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va être des serveurs en tout cas, ça va être des serveurs regroupés de 16 joueurs, là, pour le jeu en ligne. Exactement. Hein? C'est pas pire. Hein? C'est bien résumé. En fait, qu'est-ce qu'ils disent dans le fond, c'est que GTA Online, ça va être GTA. T'as imaginé que vous jouez à GTA, vous avez vos missions, vous avez vos choses et tout. Sauf que là, dites-vous qu'au lieu d'être juste trois, parce que là, on peut plus dire un gangster, parce que dans GTA 5, vous contrôlez pas un, mais trois personnages. Mais au lieu d'être trois personnages à contrôler tout seul, vous en contrôlez un seul, mais vous pouvez faire toutes, ou presque toutes, les activités que vous avez dans le jeu en solo. Mais accompagné de 16 joueurs. Donc, ça implique les vols de banque, ça implique les missions coopératives d'aller se battre contre un autre gang de rue. Comme tu disais, Michael, la plongée sous-marine, le saut en parachute, la motocross. Et une chose que j'ai vue, je sais pas si tu l'as vu, il va y avoir un éditeur de missions. Oh oui, mais en fait, c'est un éditeur comme de. Il va y avoir un éditeur de course, de combat, il va y avoir des deathmatchs. C'est pour ça, que je résume ça à mission. Ouais, c'est ça. Je pense pas qu'on pourra pas créer des scénarios, je pense pas. Non. Ben, c'est juste parce que dans le fond, ça permet de créer des circuits pour des courses ou encore, comme tu dis, des deathmatchs. Un peu un créateur de minigames, finalement, à l'intérieur du jeu. Mais c'est à cause que t'es, dis-toi que c'est quand même assez puissant, puis c'est un début, puis t'es, qu'est-ce qui nous dit que théoriquement, peut-être la version PC. Peut-être, parce que là... S'il y a une version PC. Oui, parce qu'il y a des rumeurs quand même qui sont sorties cette semaine par rapport à une possible version PC. On sait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes à ce niveau-là sur Internet. Il y a même eu une pétition là-dessus. Oui, c'est ça. Et là, cette semaine, on a eu... Moi, j'étais tout content, puis j'ai été déçu hier, parce qu'il y a quelqu'un chez Nvidia qui a fait une déclaration un peu plus tôt cette semaine qui laissait croire... qui allait avoir une version PC, mais là, Nvidia a complètement démenti ça hier. Ouais, mais la question est-ce que c'est vraiment parce que le gars s'est mis le pied dans la bouche ou c'est parce qu'il connaît quelque chose, puis que Rockstar fait wow. Dévoile pas ça, là. On veut garder la surprise ou quoi que ce soit. Peut-être. On sait jamais. Mais écoutez, moi, je pense que ce serait, pour Rockstar, ça serait peut-être vraiment se tirer dans le pied que pas sortir une version PC. On sait qu'ils ont eu des problèmes de portage avec Grand Theft Auto 4, qui l'ont juste pas fait avec... Ils ont eu des problèmes avec L.A. Noire aussi. Avec L.A. Noire aussi, mais ils l'ont juste pas fait pour Red Dead Redemption. Ils sont pas risqués. C'est ça. Donc, j'ai hâte de voir. Mais Grand Theft Auto 5, avec ce qu'il y a de possibilités... Ben, moi, reste qu'il y a une chose qui me surprend avec GTA 5. Le moteur graphique est vraiment très beau pour un jeu de Grand Theft Auto, mais qu'est-ce qui me surprend, c'est que ça roule sur une Xbox 360 puis une PS3. Ouais, effectivement. Je regarde les vidéos, là, puis c'est bizarre, mais j'aurais vu un jeu de beau de même sur une console next-gen. Mais en même temps, on sait que les compagnies, là, les gameplays, le trailer qu'ils nous montrent, là, ça peut pas être représentatif de toutes les versions qu'il va y avoir sur le marché. On sait pertinemment qu'une version va être plus belle que l'autre. Ça va être probablement la PS3 parce que Rockstar ont toujours eu une affinité avec les consoles de Sony. Tandis qu'avec la Xbox, ben, il y a toujours un petit problème de... C'est drôle parce que la majeure partie des éditeurs qui font des jeux sur PS3 et Xbox 360, ils ont toujours un graphique plus liché un peu sur la Xbox 360 parce qu'ils sont capables de maîtriser plus adéquatement le anti-aliasing, ce qui permet d'éviter d'avoir les pixels sur les formes. Tandis que Rockstar, eux autres, c'est comme l'inverse. Je trouve ça très drôle. Ils ont plus de facilité avec l'anti-aliasing sur la PS3 versus la Xbox 360. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir de quoi ça va ressembler, peu importe sur quoi je vais le tester. En tout cas, c'est sûr qu'on va le tester, nous, à puissance maximale, parce que ça a l'air très prometteur. Puis là, je parlais que moi-même, je critique les gens qui utilisent le mot révolution un peu trop facilement dans le domaine du jeu. Mais écoutez, Je t'ai entendu tantôt. Tu l'as utilisé. Ouais, je sais. T'es très mal placé pour critiquer les gens qui utilisent le mot révolution. Mais en fait, je me suis repris après disant, c'est peut-être pas une révolution, mais ça va être un grand pas pour l'univers du jeu vidéo. Ouais, mais là, après ça, tu vas avoir le même discours avec les gens qui utilisent le terme grand pas. Arrête de donner des synonymes de révolution. Non, grand pas, c'est pas synonyme de révolution. Tu peux faire des grands pas sans faire une révolution. Ouais, mais là, après ça, le monde, ils vont dire, tu sais, il fait un grand pas dans l'avancement des nouvelles technologies. Ah oui, c'est correct, c'est pas une révolution. Qui mène à une révolution. Puis là, non, mais c'est ça, mais là, c'est pas la même chose, c'est pas moi qui l'ai fait. Ça porte matière à interprétation. Pas du tout. Mon propos était clair. Mais bref, effectivement, ça risque d'être effectivement un grand pas dans le domaine parce que ça devient exponentiel, ce jeu-là. On va pouvoir tout faire. Pourquoi s'acheter un jeu de tennis quand on peut faire dans Grand Theft Auto? Et après ça, aller ramasser une prostituée et la tuer dans une ruelle. Et oui, c'est ça. Pourquoi avoir des jeux différents? Avec ton ami! Et ouais, c'est ça. Avec 16 de tes potes, avec 15 de tes potes, aller jouer au tennis et après ça, aller tuer des prostituées sans aucune arrière-pensée. Veux-tu te dire qu'est-ce que je vois là-dedans aussi? C'est Rockstar ont réussi à faire un jeu où tu peux tout faire qu'est-ce que Grand Theft Auto en single te permet de faire en multijoueur, ou presque, OK? Qu'est-ce que Bethesda attend pour faire un Elder Scrolls comme ça et non pas un MMO? Effectivement, ça... Je trouve que c'est un... La balle est dans le camp de Bethesda, là. Parce que Rockstar le font, là. Parce que moi, personnellement, j'avoue que j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans mon Skyrim. Mais si j'avais pu jouer avec deux, trois de mes amis, se faire un party puis partir à l'aventure, j'aurais perdu encore plus de temps dans Skyrim. Parce qu'il y a tellement de quêtes annexes autour partout que même en multijoueur, c'est peut-être des heures et des heures de jeu que tu peux faire. Hein. Tout à fait. Puis ça, c'est sans compter les modes. Mais je me suis toujours demandé, c'est ça, pourquoi Elder Scrolls, cette série-là, n'avait pas une version multiplayer. On peut comprendre, vu la lourdeur. Mais j'ai hâte de voir, en fait, la sortie. Parce qu'il faut dire, par exemple, que le côté online ne sera pas disponible avant le mois d'octobre. À peu près un mois après la sortie. Le 1er octobre. Ouais, le 1er octobre. Donc, un peu moins d'un mois après la sortie. Deux semaines. Excellent. Parce que le jeu sort le 17 septembre. Ah, voilà. Donc, deux semaines après. Et là, on va avoir la version en ligne. J'ai hâte. De toute façon, on va tester la version offline en premier. Tout de suite après, on essaiera l'online, voir à quoi ça ressemble. D'ailleurs, si vous êtes intéressé maintenant, comme vous en entendez parler au jeu, il y a des copies encore disponibles dans les EB Games. Ah, eBay Games. Sûrement que... À dernière nouvelle, toute édition confondue. Ah, voilà. Ben... Incluant la super légendaire Full Hot tout plein à 150$. Qu'est-ce qu'il y a dans cette édition-là? Plein de choses. Ça veut dire qu'Andrew n'a pas l'information présentement sur Ben oui, en fait, il y a une calotte Los Santos, la boîte en métal. Il vient dans une boîte de rangement un peu comme brossée métallique, un peu comme une boîte noire, dans le fond. Il y a un sac, c'est le sac de dépôt de banque avec le logo de Grand Theft Auto dessus qui est possible de verrouiller avec une clé unique. Donc, chaque sac est unique. Sinon, après ça, il y a un artbook, le blueprint de la ville. Dans le fond, il y a toujours une carte qui vient avec Grand Theft Auto. Sauf que là, vous avez le blueprint. C'est ça, dans le fond, c'est encore plus en détail où vous avez, dans le fond, tous les réseaux de transport et tout. Qu'est-ce que la map originale n'a pas. Et plein d'affaires de même. Là. Le reste, je ne m'en rappelle pas par cœur. Il y a des DLC. Oui, il y a plein de DLC. Et là, toi, Andrew, est-ce que tu as commandé ta version collectionneur? Parce que ça a l'air quand même assez cool pour 150$. Là. Je ne vois pas du tout qu'est-ce que tu insinues. Est-ce que je suis un genre de personne à acheter des éditions collectionneur? Pas du tout. On se rappellera de Injustice Gods Among Us. Ben, si je vous dis qu'il y a encore des versions collectionneurs tout plein hot de disponibles, c'est que je me suis renseigné. Donc, je ne dévoilerai pas l'information, mais je peux vous garantir qu'il va y avoir une critique du jeu le lendemain de sa sortie. Excellent. Donc, pour Grand Theft Auto 5, c'est pas mal ça. Ben, c'est ça, il n'y a pas grand détail qui sont sortis aujourd'hui, là, à part qu'on a revu un super beau, super belle bande-annonce. C'est pas mal ça, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, Andrew, parce que moi, je passerai à un autre sujet rapidement avant la fin de l'émission. J'ai très hâte. Ah, ben, moi aussi. J'ai hâte c'est mon mot de la fin. J'étais en train de rejouer Grand Theft Auto 4 parce que j'ai trop hâte de jouer. Tu vas te remettre dans le bain. Ouais, mais aussi parce que je l'avais pas fini. OK. Donc, Grand Theft Auto 5, c'est en route pour le mois de septembre. Et rapidement, avant la fin de l'émission, je vais vous parler d'un autre trailer que j'ai vu, Witcher 3. Ah, ça sera pas bon, ça. Ah non, certainement pas. Non, Wild Hunt, GTA 5 va être meilleur. Ben, écoute, ça va sûrement offrir pas mal plus de possibilités que de Witcher. Witcher, je vous rappelle, franchise de jeux de rôle basé sur une série de romans polonais. Et j'avais déjà fait une critique des deux premiers, surtout du deuxième titre de la franchise de la série qui est excellent, autant au niveau graphique qu'au niveau de l'histoire, que du côté de l'action, scénario, tout est là. Et là, le 3 s'en vient avec une version open world. On en a déjà parlé à l'émission. Open world régional avec évidemment tout plein de missions, une excellente histoire. Et là, on est avec un Geralt of Rivia, le personnage des deux premiers titres qui s'en vient quand même assez vieux, en disant de la barbe blanche et tout, qui va finalement, d'après ce que j'ai compris, affronter la Wild Hunt, qui est quelque chose qu'on retrouve dans la deuxième. Je partirai pas en détail par rapport à ça. Allez sur Wikipédia, vous aurez tous les détails. Et là, dans la vidéo, on nous montre un Geralt qui doit, encore une fois, on rappelle que les Witcher, c'est des chasseurs de monstres. Et là, dans la vidéo, il arrive pour amener une tête de monstre à quelqu'un qui l'a engagé. Et c'est à ce moment-là, les gens sont en train de vouloir pendre une femme pour des raisons, disons, assez obscures. Et là, il part pour s'en aller, puis il fait son indifférent, puis finalement, il finit par aider la femme en, disons, tuant de façon très efficace les quatre hommes qui sont en train de la molester. Et c'est là que le terme malaxeur prend tout son sens. Ouais, quand même. Et ben, de toute façon, ceux qui connaissent la série savent que Geralt of Rivia est un homme plein de ressources. Et c'est ça, il se rend compte, le dernier personnage qui part pour tuer, il demande « qu'est-ce que tu fais? » Et l'autre, il répond « je tue des monstres ». Et là, on comprend toute la symbolique de ce qui vient de se passer. Bref, tout ça pour dire que c'est un super beau vidéo. Et si je me fie de toute façon à ce que moi j'ai vu en jeu avec le 2, le vidéo, ça va être la même qualité de graphique au gameplay. Déjà, juste ça, moi, je suis sur le cul. Et encore une fois, c'est un gameplay. C'est même pas un gameplay, en fait. C'est juste quelque chose pour nous titiller. Il n'y a pas de gameplay à l'intérieur, mais c'est juste pour vous parler que ça s'en vient, ça aussi. Ne l'oubliez pas, Witcher 3, ça s'en vient. Évidemment, le best, je pense qu'ils vont l'avoir sur console, mais il faut l'acheter PC pour pouvoir goûter pleinement à tout le... Et être d'accord avec tous les propos de Michael qui dit « Ah, c'est le plus beau jeu que j'ai vu! » Ben, peut-être... Ben, disons que c'est dans mon top 3. Ben, c'est ça. Il est franchement rival avec Skyrim côté rôle, côté RPG. Ouais, mais Skyrim, c'est dur vraiment à l'évaluer parce qu'on le mode tellement qu'on ne sait plus vraiment les textures de base. Ben, ça rentre dans l'évaluation en disant la possibilité de modder, mais on peut modder aussi Witcher. Je tiens à le dire. Qu'est-ce que t'attends? Ben, je pense pas rejouer prochainement aux deux. Je vais peut-être faire comme toi un peu avant la sortie du 3. Là. Je vais me retaper le 2 pour pouvoir me remettre dans l'histoire. Puis après ça, on y va pour le 3. Ça, je pense que je vais suivre. Le terme, c'est pour la gloire. Et voilà. Ben, pour la gloire ou pour le 3, vu que le 3 sera là à ce moment-là. Donc voilà pour Witcher 3. Surveillez ceux qui sont intéressés à aller voir le gameplay sur Internet. C'est déjà la fin de Puissance Maximale, mesdames et messieurs. J'ai été très content d'être avec vous seul, malheureusement, pour une bonne partie de l'émission. Mais je tiens quand même à remercier M. Castegan. C'était un 20 minutes d'émotion intense. Merci, Andrew, d'avoir été là à la fin, mais surtout d'avoir parlé avec nous de Grand Theft Auto 5. Merci de nous éclairer de tes lumières à chaque émission. C'est ma chevelure qui était claire. Ah, voilà. Mon nom est Michael Michaud, votre animateur, toujours content d'être là chaque semaine. Je vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez écouter toutes nos anciennes émissions, podcasts et entrevues. Et il y a toujours Facebook. Vous tapez Puissance Maximale dans Facebook, vous allez nous trouver très facilement. Allez appuyer sur le bouton j'aime parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs. Et voilà. Tout simplement. Et je vous souhaite, comme à chaque semaine, une excellente semaine de jeu. Never kissed a lady before. Nope. Mm-mm. Woo! All right. Take it home. A little solo for it. One more time.